Épeton, c'est vraiment une légende des pays de Vilaine, parce que ça s'est passé au bord de la Vilaine, il y a longtemps, longtemps, oui, longtemps, je ne sais même plus les dates, dans les, au 1700 peut-être, oui, c'était 1700, et les gens habitaient bien au ras de la rivière, dans les marais qui étaient pleins d'eau tous les hivers. C'était la mer qui venait se déverser et toutes les pluies qui tombaient aussi, puis qui faisaient la vilaine se mettre en colère, quoi. On disait qu'elle se mettait en colère et débordait dans toutes les prairies. Et il y avait des bateaux qui passaient, parce que la vilaine était un peuple, était un fleuve très navigable. Et il y avait beaucoup de bateaux qui passaient, des bateaux espagnols, des bateaux anglais aussi, puis français. Mais les bateaux anglais passaient beaucoup parce que c'était un peu la route du sel, la Vilaine. Et un jour, et puis les gens des environs, bien quand la Vilaine charriait du bois, de toutes sortes comme ça, tout le monde s'en accaparait. Mais dans le village, tout le monde partageait ce que la vilaine pouvait reverser sur les bords. Et puis, fallait que ce soit juste, hein. Et une fois, il est passé un bateau qui a dû faire naufrage et qui a tout perdu. Et ben, la vilaine, on ne pouvait pas aborder auprès de la vilaine. Les marais étaient recouverts d'eau. Et ce jour-là, les voisins ne sont pas allés, ils étaient peut-être occupés ailleurs. Et il n'y en a qu'un qui a été. Et il a vu des tout petits tonneaux. Mais des tout petits tonneaux. Alors il a pris ces petits tonneaux-là, il a pris sa charrette, il a été quand même dans l'eau, parce que l'eau, il n'y en avait pas une grande hauteur, hein. 20 cm, 40 cm, 50 cm, c'était le grand maximum. Il a pu. Et il a chargé ce qu'il pouvait, ce que le bateau avait rejeté, quoi. Et il est revenu chez lui. Et alors quelqu'un l'a vu, quand même des voisins. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as été chercher, donc là? Alors, les petits tonneaux, il a dit, ben, c'est des petits petons pour siéter mes filles. Des petits petons, c'était genre de petits, comme ça, quoi. Des petits On avait des tabourets? petits tonneaux Ah, autrefois. je vois. On avait des petits tonneaux où on mettait de l'eau de vie, où on mettait du cidre. On se servait de petits tonneaux autrefois. Alors il a dit, c'est des petits petons. Et quand les enfants s'asseyaient sur des petites choses, ben, comme ça, des petits tonneaux, ou même des petits tabourets, on disait, ben, c'est des petits petons. Ça voulait dire pour s'asseoir, quoi. On ne disait pas tabouret, c'était peton, par exemple. Et alors il disait, c'est des petits petons pour siéter, asseoir. C'est un mot galop, siéter. Pour asseoir mes filles. Oh, les autres se demandaient. Ils voulaient savoir, mais ils ne disaient rien de plus. Des petits petons que j'ai ramenés. Quelquefois, c'était des petits troncs d'arbres, quoi, pas très haut, pour siéter mes filles. Les autres se demandaient bien. Puis il n'y avait pas eu de partage, hein, là. Et alors un jour, la femme était à faire du pain dans sa maison. Chaque village avait son four à pain à l'extérieur, comme ça, en plein air. Et les gens faisaient leurs pâtes et mettaient leur pain à cuire. Et puis le jour de la fournée, tout le monde allait autour chercher son pain. Et elle était à faire du pain. Il y a un homme qui frappe à la porte. On frappait pas à la porte autrefois. C'était étrange. Et alors, elle avait ses gamins autour d'elle. Elle voit un homme très digne, un homme habillé en noir, avec une grande barbe. Il lui dit, Madame, nous avons eu un naufrage là, quand tous les marais étaient recouverts. Et nous avons perdu une fortune. Et vous avez dû la ramasser. Parce qu'il s'était inquiété avant d'arriver là, un peu dans le bourg, parce que c'était la campagne où il allait. Et dans le bourg, on lui avait dit, ben, il y a les maisons, là, il y a les maisons, oui, quelquefois, ça ramasse. Les gens étaient un peu jaloux, hein, entre eux. Ils se dénonçaient facilement quand ils n'étaient pas d'accord pour tout prendre. Et Alors, on lui avait indiqué la maison, là. Et il dit, Madame, si vous voulez bien me rendre mon or, c'était de l'or. Donc, c'était facile de voler de l'or parce qu'on pouvait le négocier. Alors, il dit, non, non. Et il insiste, et il insiste, et toujours, il pétrissait sa patte et il disait, non, non. Parce qu'on n'était pas très bavard dans nos campagnes quand il venait des étrangers. C'était oui et c'était non, c'est tout. Il n'y avait pas de conversation. Alors lui, il insistait, mais il a bien vu au bout d'un moment qu'il pouvait rien faire. Alors il dit, écoutez, madame, gardez l'or. Mais dans la caisse où était l'or, dans les petits barils, il y avait aussi des papiers. Et c'est toute mon identité qui est là, avec ce que je possède, ces papiers-là, étaient certainement des choses de banque, je ne sais pas comment ça se passait. Alors, la femme est restée sidérée, et on dit qu'elle aurait bien voulu rendre les papiers puisqu'ils donnaient l'or. Mais l'or n'était pas compromettant, c'était une monnaie courante, peut-être pas, mais il y a des gens qui avaient de l'or. On pouvait négocier de l'or. Mais les papiers, de peur d'être poursuivis, ils les avaient brûlés. Donc, pas moyen de rendre les papiers, il fallait bien continuer à nier, à nier. Alors l'homme, une fois rendu sur le seuil de porte, il lui dit, Madame, je vous maudis jusqu'à la septième génération. Et ce pain que vous pétrissez, cette farine, vous ne mangerez pas le pain. Non. Quand elle a sorti son pain du four, c'était des pierres. La malédiction était là. Et la malédiction jusqu'à la septième génération, oui, ça existait. Tous ces gens mouraient de morts terribles, de morts accidentelles. Ils étaient frappés par par des malheurs, quoi. Et puis, le soir, quand ils revenaient comme ça sur le halage, le chemin des marais, ils rencontraient d'autres personnes inconnues. Des ombres les suivaient. Des ombres passaient comme ça au ras d'eux, ils voyaient des ombres, ils se détournaient, il n'y avait personne. Et ils ont eu un tas de malédictions terribles. Et ça s'est continué jusqu'à la septième génération. Et le soir, ils entendaient du bruit, ils entendaient des chevaux courir alors qu'il n'y en avait pas. Et même, pour dire que c'était vrai, ça, un soir, il y a un monsieur qui passait avec un tonneau. Pour trier l'herbe du grain. Il faisait tourner un tonneau avec il y avait des trous et l'herbe tombait alors que les grains de blé ne tombaient pas, quoi. Alors on appelait ça un trieur. C'était comme ça. Il est passé et puis il allait de ferme en ferme, mais il ne revenait pas chez lui de soir. Il couchait avec les commis au coin de l'écurie parce que les gens habitaient facilement l'écurie pour la nuit. Et un soir, il entre un taureau. Oh, mais un taureau menaçant! Alors lui, le trieur, oh, mais il a eu peur! Et l'autre qui était là, peut-être un valet, peut-être un garçon de la maison, il dit, oh non, non, il ne fera pas de mal, laissez donc, il y en a comme ça. C'est vrai, il n'avait attaqué personne, mais le trieur, lui, le trieur, le monsieur qu'on appelait le trieur, lui était effrayé. Un couvreur, une fois sur une maison, il voit des hardes de chevaux à la tombée de la nuit, parce que les gens travaillaient très tard, des hardes de chevaux alors qu'il n'y en avait pas. Mais il y avait toutes sortes d'apparitions comme ça. À la nuit tombante, les gens croisaient des animaux, mais quelquefois des animaux furieux. Et c'était toujours cette malédiction qui continuait. Si bien que les gens souvent étaient un peu brouillés quand même avec toutes ces choses-là et tous les accidents qui leur arrivaient. Et ça continuait jusqu'à la septième génération. Alors, on y croit ou on y croit moins, mais cela a existé. Oui, je vais continuer maintenant sans que ce ne soit enregistré. Okay. Eh bien, il y avait à Redon un commerçant, un homme qui était marié. Je ne sais pas d'où il était. Il était marié avec une de Rieux, quoi. Des petons, on les appelait les petons, hein, ces gens-là. Et eh bien, il est tombé de son cerisier, il s'est cassé, quoi. Et c'était des accidents comme ça, hein, qui arrivaient à ces gens-là. Ah oui, Oh là ah oui. Tous les petons étaient très riches. Mais Mais malheureux. Eh bien, il y avait ça, quoi. Ils ne se mariaient plus qu'entre eux, parce que les gens avaient peur d'eux, quoi. Puis, il arrivait à tort ou à raison, toutes ces apparitions que je vous raconte là, parce que quelquefois aussi, la boisson aidait à voir. Mais le fond de l'histoire des petons, c'est ça, quoi. Avoir pris une fortune sur un bateau et elle ne pouvait pas rendre les papiers. Voilà ce que ma grand-mère racontait. À côté de ça, il y avait autre chose que l'on racontait. Oui, les naufrages n'étaient pas toujours accidentels. Il y avait quelquefois des lumières que l'on brandissait comme au bord de la mer, les naufrageurs, parce que c'était un genre de naufrageur, ça. Oui. C'est ça, en gros. On peut l'arranger, l'histoire, mais en gros, c'est ça le schéma. Ok. Oui. Bah, la première fois que j'ai entendu cette histoire, c'est parce qu'il y a un ami qui a cherché à acheter une maison dans le coin. Oui. Et il a acheté à Boquereux, on peut le dire. Hein. Boquereux ou Tréfin? Et on lui a intimé, on lui a plutôt déconseillé d'acheter là-bas à cause de la malédiction. Oui. Eh bien, nous, on allait à Noël, on était un groupe de Redonnais. Il y avait Monsieur Jouette je ne sais pas si tu as connu, il s'occupait du judo. C'était le responsable des judokas. Il y avait Monsieur Barre, qui était aussi dans les judokas. Enfin, on était 5-6 couples comme ça. Moi, j'étais toujours invitée parce que j'allais à tous leurs sports. Je faisais pas de judo, mais je faisais l'entraînement des judokas. Je leur faisais une heure avant qu'ils ne fassent leur sport, parce que Monsieur Jouette avait été malade, il avait eu des articulations. Alors il m'avait dit, Maria, tu vas me remplacer. Moi, j'allais à l'assouplissement, je faisais pas de judoka, je faisais une heure comme ça, un assouplissement très dur, hein, très dur. Et puis il me dit, tu vas me remplacer. Bon, ben oui, pourquoi pas. Alors je l'avais remplacé, et puis après on s'invitait. Et il y en avait un qui avait acheté une maison, alors à Boquereux. Et puis, il me dit comme ça, alors on avait fait Noël dans la maison. C'était agréable. Il y avait un grand feu de cheminée, une maison dans un village et tout ça. Alors, oh, c'était agréable, on avait fait. Et puis, il me dit, sais-tu l'histoire des petons? Parce qu'on me dit qu'il y a eu des petons par ici. Mais je lui dis, oui, prenez donc des gâteaux. Mais je lui dis, oui, il y a eu les petons. Ben, il dit, raconte donc ça. Alors je lui raconte l'histoire, mais je dis, surtout, surtout, tu es dans un coin de petons, tu n'en parles pas, hein, tu ne poses pas de questions. Mais non, mais non. Non, mais il n'a pas pu s'empêcher. Il a dit à un des voisins, mais il n'y a pas eu une histoire de petons par ici. L'autre lui a dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon, ben, c'est bon. Mais l'autre ne lui a plus jamais adressé la parole. Ben non, c'était un peton. Et puis, alors, il me dit ça après, on avait encore eu d'autres fêtes. Il dit, ben oui, ben je lui ai parlé. Je lui dis, tu lui as parlé? Ben oui, mais c'est qu'il ne me parle plus depuis. Ben non, non, il fallait pas lui en parler. Et ça rejoint ce que t'as dit, ton copain. Alors, nous, encore une fête, on avait encore fait une fête, et puis. À la nuit tombée, ça devait encore être au premier de l'an, parce que c'était les fêtes de Noël et du premier de l'an qu'on faisait dans la campagne. Il y avait la grande pièce, la carrelée de tuiles, oh, le feu de cheminée, la grande table, c'était agréable. Et puis on dit, tiens, on va sortir, c'était une petite route de campagne, on va tous prendre des bougies, et puis on va faire le long de la route comme ça. Oh là là, ben oui, c'était la nuit du premier de l'an, ça. Comme les petons avaient toujours des visions et on disait qu'il y avait des lumières et qu'il y avait des cierges et qu'il y avait des bougies, alors quand les gens voyaient ça de loin, Ils étaient effrayés, forcément. Alors, ils passaient à une vitesse. Et quelquefois, on a vu des lumières de voitures qui ne sont pas passées. Ils avaient dû trouver une berge ou quelque chose pour faire demi-tour. Ils croyaient qu'ils étaient empotonnés. Ça, c'est l'histoire d'à côté, mais que j'ai vécu puisqu'on a fait ça. Je me rappelle qu'on avait une misère avec nos bougies. S'il y avait un peu de vent, pof, ça s'éteignait. On était obligés de les rallumer. Allez, servez-vous un gâteau. Ils sont tout petits, mais ils sont croquants. Merci. Ils sont croquants. Et ça t'est arrivé aussi pendant une randonnée, que quelqu'un vienne te voir à la nuit tombée pour te remercier d'avoir raconté l'histoire? Oui. Tu veux raconter? J'avais raconté. C'était pas dans le coin. Mais il y avait des gens qui étaient de ce coin-là, sans doute, mais qui ne devaient pas être dans le coup. Alors, ils n'étaient pas en colère, mais ils étaient contents plutôt d'avoir entendu. Mais moi, quand ils m'ont dit que j'avais raconté ça, et qu'ils m'ont dit qui ils étaient, j'étais pas très heureuse. Yeah. Mais alors, ce que tu veux dire là, c'est plutôt un petit-fils de naufrageur. Alors ça, parce que le truc des petons, là, j'avais pas dit grand-chose, comme j'étais un peu... C'était pas rieux, mais j'étais un peu dans le coin. Les gens étaient venus, ils étaient contents d'entendre parler de ça, mais ils n'avaient pas eu beaucoup de détails. Mais à Kessembert, je raconte les petons et puis les naufrageurs, quoi. Et c'était la nuit, un homme vient à côté de moi, il me dit, vous avez parlé des naufrageurs, là. J'ai dit, oui, je dis, je vais au bord de mer et j'ai entendu ça. Eh bien, il dit, vous voyez, mes grands-parents ou arrière-grands-parents, je ne sais plus trop, étaient des naufrageurs. Et ce qu'ils faisaient, ils avaient une vache, parce que souvent en bord de mer, les gens avaient un petit peu de bête, quoi, et ils vivaient de pêche, mais c'était une pêche pas beaucoup rentable. Et ils allaient le soir des grandes tempêtes à tel endroit où il y avait des rochers. Il dit, mes grands-parents allaient avec une vache. Une vache qu'ils entravaient. La corde était aux cornes et puis la corde, ils l'attachaient à une patte. Si bien que la vache, quand elle marchait, il fallait qu'elle se baisse, quoi. Alors ça faisait ce mouvement-là et on lui mettait une lanterne. Vous avez bien vu des lanternes tempêtes, on appelle ça les lanternes tempêtes, aux cornes. Donc, pour les bateaux qui arrivaient, ils voyaient une lumière comme ça, qui faisait comme ça. Et ça les rassurait, ils se disaient, on arrive à la côte et c'est là qu'il faut qu'on débarque. C'était des pauvres petits bateaux. Ben oui, mais on les faisait débarquer sur les rochers. Et puis, il me dit, on les faisait débarquer sur les rochers et on les pillait. Mm-hmm. Alors, je dis oui, c'est ça que je raconte aussi. Mais il dit, c'est exact. Puis, il m'a donné ses détails de la vache et tout. Ah oui. Et puis, la randonnée a continué à l'arrivée. Il y avait un pot qui était offert. Moi, je regardais, j'aurais voulu revoir cet homme-là pour lui parler, quoi, des naufrageurs. Non, je ne voyais pas dans la nuit qui c'était et il ne s'est pas manifesté auprès de moi ni rien. Il m'a raconté ça parce que ça lui parlait, quoi, dans la nuit. Oui, c'est très drôle, hein. Oui, c'est drôle. Oui, ça lui parlait dans la nuit, mais il ne voulait pas se faire voir parce qu'il disait quand même que c'était de sa famille, hein. Oui. Et il m'a donné divers détails que moi je racontais un peu, en plus que je rajoutais. Mais quand je parlais des naufrageurs, c'était très écouté en bord de mer. Et je pensais à ce gars. Il ne devait pas être de Kessembert, hein, parce qu'il en venait un petit peu de 50 km à la ronde. Oui. Vous voyez comme c'est drôle. Hein. Ah, c'est fou. Oui. C'est oui. Servez-vous. Hein. Moi, je suis bien, j'ai déjà un avance. Servez-vous. Finir les petits gâteaux. L'histoire des petons de Rieux peut encore être racontée avec autre chose, mais moi, voilà ce que j'ai entendu. Et c'est une histoire que tu racontes pas trop dans le coin. C'est une histoire que tu racontes pas trop dans le coin. Non. Je racontais ça quand j'allais au loin, que je voulais parler des histoires de la nuit, Parce qu'autrement, en bord de mer, c'était les naufrageurs hein, que je racontais. Et puis des histoires beaucoup plus. C'est quoi tes histoires préférées que tu préférais raconter? Les histoires que tu préférais raconter? J'aimais bien au bord de mer, surtout quand il y avait un peu de tempête, raconter ça. Les naufrageurs? Oui, les naufrageurs. Hein. Parce que ça parlait aux gens. Mais ça parlait aux gens. Hein. Les gens écoutaient vraiment dans un silence. Et puis après, à l'arrêt, quoi, ils m'en reparlaient. Oui. Et les histoires pour les enfants, c'était lesquelles que tu aimais bien? Les histoires pour les enfants, j'aimais bien leur raconter la petite fille de la mer. C'était une sirène, t'as dû l'entendre. Il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps. Oui, c'était une sirène. Alors, on ne disait pas la petite sirène, on disait la petite fille de la mer, quoi, parce que c'était une sirène qui avait échoué et qui avait laissé sa petite sur un rocher. Oui, et puis la dame, la vieille femme qui allait à la pêche l'avait prise, quoi. Et la sirène était venue, tout d'un coup, elle voit une belle femme s'amener, la sirène était venue et lui avait dit que c'était sa petite fille, qu'un phoque avait égorgé son mari et qu'il fallait qu'elle la garde, mais que tous les jours elle serait venue lui apporter au pied du rocher tous les coquillages, tout ce qu'elle avait besoin pour manger et tout. Et c'est très beau l'histoire de la petite sirène. Alors je racontais ça, puis d'autres histoires de la nuit, quoi. Et puis je racontais aussi une histoire d'un marin qui avait fait toutes les mers du monde et puis qui était revenu, et il était peintre. Alors je décrivais la petite chaumière toute blanche, juste un petit sentier pour aller à la chaumière avec des roses trémières, et puis la mort un jour est entrée un soir. Et puis elle a dit, il s'appelait Tuolan. Tuolan, c'était le moment de partir. Alors il y a toute cette histoire-là de la mort avec sa faux sur le dos et maigre. Et puis lui dit, ah bon? Parce que lui, il n'était pas effrayé de rien. Je raconte avant qu'il avait fait toutes les mers du monde. Le Cap Horn, oh, il l'avait fait sans tous les instruments de bord dont j'avais demandé les noms et dont je ne me rappelle pas. Et alors, Toulane dit, oui, assieds-toi donc là. Il lui montre un beurre-chèque, mais enfin, il lui montre un pied de pain, quoi, pour s'asseoir, quoi, un rondin. Et puis, je finis ma peinture et je suis à toi. La mort s'assoit, puis, mais elle se dit, mais un humain ne m'a jamais fait attendre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, elle va. Et puis, il faisait, oh, une belle peinture. Oh, une belle peinture. Je décris une petite fille. Oh, elle n'a pas osé l'interrompre. Et puis, comme, voilà que je suis à me demander comment ça s'est passé. Il a dû lui dire, mais ça y est, je suis à toi. Puis, il est parti. Et en arrivant chez le Père des Cieux, assieds-toi, la mort était rendue avant lui, assieds-toi, Tuolan. Oui, il paraît que tu peins, mais que tu ne peins que des visages. Il avait dû expliquer ça à la mort, qui peignait des visages. Ben, il dit oui, parce que les visages, c'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, écoute, ton éternité, toi, tu la passeras à peindre des visages. Tu peindras tous les visages que tu veux. Ah ben, tout Olan était content. Alors, il peignait des villages de toutes les couleurs. Et c'est pour ça, en Bretagne, qu'on a des visages de toutes les couleurs. Ça vient du temps de tout Olan. Mais il y a plus de détails que ça. Il aurait fallu que je la rumine avant. Mais ça, c'est une belle histoire aussi. Et qui plaît, si j'ai un public enfantin, je ne la rends pas trop tragique. Si j'ai un public tout public, c'est plus dur. Mais c'est raconté la nuit, alors ça va. Oui, alors un café, buvez un peu d'eau en plus. Prenez des gâteaux. Et puis on est bien. C'est quoi l'histoire que tu voudrais nous raconter la prochaine fois ? Ben, il faudra que je réfléchisse. Il faudra que ce soit une belle histoire. Une joyeuse. Oui, attends, j'ai une histoire aussi. T'as dû l'entendre. Les trois bossus. J'aime beaucoup. Les trois graineries. Hein? Oui, ben je trouve que ça, c'est ce qui plaisait, hein. Non, les Pas trois souvent. graineries, c'est au soir, ces deux petits vieux, et un soir, dans leur chaumière, c'était leurs 50 ans ou 60 ans de mariage, et puis ils étaient tous les deux, et puis ils disent, ben écoute, autrefois quand on s'est mariés, on a fait chacun notre petit coffret, et on a dit que si on se trompait, enfin, s'il nous arrivait, eh bien, si on faisait une faute dans le truc du mariage, on mettait un grainerie. Oui. Alors, je cherche le mot. Si on faisait pas un accroc, quoi, enfin, bon. Alors, il y avait trois graineries. Puis, je vais pas vous la raconter aujourd'hui. Il faudra que je la repense. Et ça, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, il y en avait des graineries. Alors, elle disait, oh, qui que c'est? Avec qui il avait fauté, quoi. Alors, et puis la fin, je ne vais pas vous la dire. Je vous la dirai une autre fois. Comme les très graines. On te préviendra à l'avance quand on passera pour que tu Ah puisses oui, pour que je te la remise remémorer. ça. Oui, mais les trois graineries, ça plaît beaucoup. Et je me rappelle, j'étais à un repas au comment. Pas au Moulin Vert, mais sur la route de Nantes, là. Au poteau vert. Au Pot-au Vert. Il y avait un repas, puis il y avait beaucoup de gens des PTT. Et puis tout le monde, ben, il y en a qui chantaient, puis on dit, ben, Maria, raconte-donc une histoire. Et puis tout d'un coup, j'entends une voix qui dit, le petit grainerie. C'est pas le petit grainerie, c'est... Oh, je me dis, qu'est-ce que... D'où ça vient? Alors je regarde, elle dit oui, j'ai entendu ça et je l'ai vu. J'ai raconté les trois graineries. Je vous la raconterai une autre fois. Super. Oui, mais il faudrait que ce soit un soir, la nuit. Ouais, tu préfères? Hein? Tu préfères que ce soit le soir? Ah ben, tout ce que je raconte, au fond, ce sont des choses qui se sont passées la nuit, hein? Toutes les légendes. Oui. Ah, trop bien, j'ai hâte. Ben, tu n'étais pas quand j'ai été comptée. Au moulin? Oui. Si, si, si, c'était l'histoire de la petite fille De la mère? la petite fille de la mère. Oui, parce que Ouais. c'était aux enfants que je comptais. Il y avait des enfants, Oh, c'était qu'aux enfants. Les parents étaient là, mais oui. c'était pour les enfants. Je m'en souviens bien. Ah oui. Elle est Prenez très des belle. gâteaux, hein, j'ai ouvert ça pour vous. Allez. Allez, Louise. Faudra tout manger. Alors, est-ce que tu veux du café, toi, Non, Héloïse? merci. Moi Eh non bien. plus. Non, je me dis qu'il est trop tard pour boire du café. Servez-vous un gâteau. Allez. Yann, après l'effort, le réconfort. Voilà. T'attendais pas? Vas-y, hein. C'est bon, je suis bien. Je suis contente d'avoir fait du nettoyage dans ton jardin. Ah ben moi je suis contente que tu sois venu aussi, que vous soyez venus tous les deux. Mais il est propre ton jardin là, c'est bien. Oui, ben j'ai Axéo qui vient, c'est une société de Redon qui vient tondre. Ok. Mais ils ne sont pas encore venus cette année, Ok. parce qu'ils vont venir quand on va sentir un petit peu plus le printemps, quoi. Oui, il n'y a pas grand-chose à couper là. Non, il n'y a pas grand-chose à couper, mais j'ai beaucoup de mousse. C'est parce que mon sol n'est pas riche. Ah, c'est ça? Ah oui, c'est un signe, ça. Une forêt de jonquilles. Oui, en bas, c'est beau, hein. Très, Alors, au moulin, vous en avez quelques-unes. Tu te déplaces encore pour compter? Bien, écoute, non, je ne le fais plus, mais pour vous, je le ferai bien. Trop bien. Oui. Oui. Mais avec toutes ces histoires que vous avez déjà entendues, hein, parce que je n'en retravaille pas d'autres. Ok. Hein? Ok, très bien. Les trois grains de riz. Les et puis les trois bossus Les trois bossus. foutus dans la rivière. Ouais. Et t'as une histoire avec l'Ankou? T'as pas une histoire avec l'Ankou? Oh, si. Bah, du coup, celle dont tu parlais, du peintre Oui, le peintre, c'est l'Ankou. qui fait Faut attendre que la je main. revoie ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Ok, mais bah ça fait un gros programme. Pour aller, il n'y avait pas de. Ben, il venait en carriole, quoi, avec des barriques. Oui. C'est du travail, hein. Ah, oh ben oui, tous les matins, ils venaient chercher leurs barriques d'eau. Oui. Il fallait qu'ils abreuvent des bêtes et en plus de leurs Et puis leur besoins. cuisine, et puis pour la toilette, tout ça. Ah, c'est Ah, sacrée quantité, quoi. oui. Bah ouais. Oui, c'est un. Ou alors il faudrait avoir des citernes. On en a une sur remorque, mais garder de l'eau potable dans une citerne longtemps. Non, c'est guère